Altesse, le bal des ombres, on appartient. Ouais. On appartient aux cités d'or, d'or aux quartiers populaires. Y'a de l'or blanc et de l'or noir, et c'est ce qui nous rend fiers. On appartient à la tristesse qu'on a goudronnée. Altesse, casquette et qui est couronnée. On appartient au sang qui coule dans notre peau. Y'a pas de caisse d'épargne parce que nous on appartient aux pauvres. On appartient à tout ce qui fait nos convictions. Comment survivre dans vos livres, on ne parle pas de toutes nos conditions. On appartient au rythme de la vie, jeté contre un mur. On devrait faire du tri, c'est un mélange trop d'ordures. On appartient à tout ce qu'on a dans notre tête. On appartient à tout ce qu'ont vécu nos ancêtres. On appartient à la douleur, à Dieu et sa grandeur. On appartient à nos familles, quand père et mère sont dans nos cœurs. On appartient aux voies qu'on a tracées, qu'on a rattrapées, aux souvenirs qu'on avait, à tous nos morts qu'on a drapés. Trouver sa voie, garder la foi, ne regarde pas en arrière. Parce que l'avenir nous appartient, prêt à grandir, à chasser la misère, à bâtir son univers. Parce que le monde nous appartient. Trouver sa voie, garder la foi, ne regarde pas en arrière. Parce que l'avenir nous appartient, prêt à grandir, à chasser la misère, à bâtir son univers. Parce que le monde nous appartient. On appartient à nos erreurs comme un mot barré. Mais quand t'as rien pour effacer, comment comparer. On appartient au jour du jugement, aux années de procès. Cellule de souffrance, quand la sentence te fait danser. On appartient aux empires lointains, seigneurs de l'univers. Un texte saint, écrit en arabe ou en latin. On appartient aux hommes qui ont gagné des guerres, à ceux qui ont perdu, à ceux qui rêvent encore sous terre. On appartient à notre génération, aux mêmes prolongations de vie, sans devise et de vie qui se brise. On appartient au blocus marginal, à la misère sociale qui dure et nous torture, à nos cultures que l'on condamne. On appartient au rap, on appartient au bloc. On a la tête sur les épaules et pas dans son froc. On appartient encore à tellement de choses. Alors choisis ce que la vie te propose. Trouver sa voie, garder la foi, ne regarde pas en arrière. Parce que l'avenir nous appartient. Prêt à grandir, à chasser la misère, à bâtir son univers. Parce que le monde nous appartient. Trouver sa voie, garder la foi, ne regarde pas en arrière. Parce que l'avenir nous appartient. Prêt à grandir, à chasser la misère, à bâtir son univers. Parce que le monde nous appartient. Trouver sa voie, garder la foi, ne regarde pas en arrière. Prêt à grandir, à chasser la misère, à bâtir son univers. H-A-L-T-E-S. Trouver sa voie, garder la foi, ne regarde pas en arrière. En progression. Prêt à grandir, à chasser la misère, à bâtir son univers. La tête dans les étoiles, et la main sur le cœur.